souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 10. De Meissonnier au cubisme. Dans l'atelier de Meissonnier, une visite chez Gervex, Henri de Gros, Claude Monet, Pissarro, Sisley, Guillaumin, Signac, Luce, Gauguin. La première fois que je vis un Degas, Mary Cassatt. J'étais chez Lewis Brown quand arriva un monsieur qui portait sous le bras un tableau. « Encore une trouvaille ?» interrogea le peintre. « Vous allez voir !» Le nouveau venu démaillota le tableau et dit « Que pensez-vous de cette étude de chevaux ?» Brown regarda. « Vous croyez à un Meissonnier, je parie. » « Parfaitement, et je ne vis plus depuis que j'ai dégoté ça hier à la foire à la ferraille. » « Il n'est pas signé, mais enfin, ma femme en est sans dessus-dessous. »« Je ne savais pas que votre femme s'intéressait à la peinture. »« Ah, elle est très au courant de ce que ça vaut. »« Chez Georges Petit, elle a vu un Meissonnier moins important que le mien, et l'on en demandait 50 000. »« Oh, quel dommage qu'il n'y ait pas là-dedans quelques personnages en plus des chevaux. »« Tout de même, » murmura Lewis Brown, « si votre machin n'était pas de Meissonnier. »« Vous ne parlez pas sérieusement ?»« Je ne me prononce pas, voilà tout. »« À première vue, cette matière, ce dessin, je serais tenté de dire oui. »« Mais nous allons être fixés tout de suite. Meissonnier est très chic. »« Si votre tableau est de lui, je lui demanderai de le signer. » J'exprimai à Lewis Brown mon désir de voir l'atelier du célèbre peintre. « C'est très facile, venez avec nous. » Arrivé chez Meissonnier, on nous fit entrer dans l'atelier. Sur un chevalet, une toile à peu près terminée. Au-dessous pendait une grande loupe qui semblait inviter les visiteurs à admirer la finesse de l'œuvre. Mon attention fut bientôt attirée par le singulier travail auquel se livrait, dans un coin de la pièce, un des élèves du maître. Armé d'un râteau pareil à ceux des croupiers, il s'efforçait d'égaliser sur le parquet une couche de poudre blanche et étincelante qui n'était autre que de l'acide borique. « Je prépare, » dit-il à Lewis Brown, en lui montrant un croquis, « le champ de bataille que M. Meissonnier va peindre. » Il ouvrit une boîte. Il en sortit des canons, des petits arbres, des caissons, des soldats et des chevaux qu'il échelonna, en formation de combat, dans le carré givré. Prenant un pulvérisateur, il pressa la poire en caoutchouc et projeta un nuage de colle liquide sur toute la petite armée, qu'il saupoudra ensuite d'une poudre d'un blanc différent de l'acide borique, un blanc plus mat. À Lewis Brown, qui regardait curieusement ce manège, « Que c'est difficile de doser exactement la gomme arabique. Si la colle est épaisse, le vaporisateur est obstrué. Si elle est trop liquide, la poudre de riz n'adhère pas. C'est de la poudre de riz ? On pourrait mettre partout de l'acide borique, bien sûr. Même ce serait plus simple de n'avoir qu'un seul blanc, au lieu de deux blancs différents. Mais le maître aime jouer la difficulté. » Meissonnier entra. « Brouh ! » fit-il en jetant un coup d'œil sur l'œuvre de son préparateur. « Quel beau paysage d'hiver ! J'en ai presque l'onglet. Ah, les sales bêtes !» Deux grosses mouches, fascinées par tout ce blanc, s'étaient posées sur l'un des cartons. Meissonnier détacha d'une panoplie une sorte de revolver. Il visa les bestioles et tira. Une odeur pharmaceutique se répandit. Le peintre, se tournant vers Lewis Brown. « Lorsque j'ai peint ma retraite de Russie, au lieu d'acide borique, j'avais employé du sucre en poudre. Ah, quel effet de neige j'avais obtenu !»« mais cela avait attiré les abeilles d'une ruche voisine. J'ai donc remplacé le sucre par de la farine. Alors ce sont les souris qui ont ravagé mon champ de bataille. C'était à se demander si je n'en serais pas réduit à attendre que la neige tombât pour peindre un paysage d'hiver. Monet, fit Lewis Brown avec un air ingénu, ne peut travailler que devant la nature. Meissonnier, d'un geste coupant, laissez-moi donc tranquille avec votre Monet et toute la séquelle des jeunes. L'autre jour, j'ai vu un tableau d'un nommé Bénard où il y avait des chevaux violets. Oh, parlons de choses sérieuses. Parlons de votre art, mon cher maître, dit Lewis Brown. Justement, je suis venu vous voir au sujet d'un tableau qui a été découvert par mon ami S et sur lequel je voudrais avoir votre avis. Meissonnier, ayant regardé S, puis la toile. Tous mes compliments. Vous avez là une excellente chose. C'est même un des meilleurs pastiches que je connaisse d'un meissonnier. Un petit je ne sais quoi encore et je m'y tromperai. Timidement, j'intervins. Mais c'est ce petit je ne sais quoi qui fait le génie. Le maître me sourit et, tapant sur l'épaule de S, tout déconfit. Tel que ce tableau est très bien. Il vaut certainement un de taille. Gervex avait beaucoup connu les principaux peintres de son temps, notamment Manet. Il avait fait aussi de longs séjours en Russie, où il avait été admis à la cour. Que de souvenirs intéressants il avait dû conserver de sa vie d'artiste et de son séjour au pays des Tsars. Je fus déçu quand je lui en parlai, mais l'homme était d'un commerce si agréable que je fus enchanté qu'il m'invitât à revenir le voir. Un jour, je me rencontrai dans son atelier avec un personnage décoré qui se mit à parler abondamment de notre art. Par son ton d'assurance, je m'imaginai tout d'abord qu'il était, lui aussi, de la maison du Pont des Arts. Mais Gervex m'ayant présenté, j'appris que c'était M. Jacquet, le peintre type des armures et des étoffes. S'approchant d'un chevalet où était exposé le portrait d'une femme grandeur nature, en robe de mousseline si transparente qu'elle paraissait presque nue, « Joli grain de peau, dit M. Jacquet, celui qui aura ça au mur de sa chambre à coucher. » « C'est, reprit Gervex, le portrait de la femme d'un de mes amateurs. » Peste, fit l'autre. Il ne doit pas s'embêter, votre amateur. Et il a permis qu'elle posât comme ça? Ce n'est pas son corps. J'ai fait seulement une petite étude de la tête, un modèle à poser pour le reste. Et votre amateur a été content? Je crois bien. Il m'a demandé tout de suite l'adresse du modèle. Gervex semblait méditer. Il reprit. Mon cher, je me sens perpétuellement tiraillé entre la vérité de la nature et la recherche décorative. Eh bien, c'est toujours la nature qui l'emporte. Quand on est scrupuleux devant la nature, le tableau prendra, par surcroît, une valeur décorative. Ce n'est fichtre pas le cas de notre ami Clairin. Je viens justement de voir un nu qu'il est en train de terminer. Clairin ne manque pourtant pas de dons. Et s'il n'était pas si mondain, vous savez qu'il travaille en ce moment à un nouveau portrait de Sarah Bernard? C'est sa concierge qui pose avec les vêtements de l'artiste. Je suis incapable de rien faire de chic, me disait-il. Vous a-t-il montré, fit Gervex, une étude d'après Sarah Bernard qu'il avait commencée, puis abandonnée? Une Sarah un peu dans la pose de l'Olympia, avec également une négresse, un bouquet et un chat. Seulement le chat de Clairin est blanc. À propos, étant au Louvre l'autre jour, repartit Jacquet, je suis passé devant l'Olympia. Une femme comme ça qui ferait le trottoir, elle ne ferait pas 3 francs. Mais au fait, Gervex, c'est vous qui avez mis le pied à l'étrier à ce coco-là, quand vous l'avez fait entrer au salon? Ah, il faut être juste. Quand Manet a commencé, il avait de ses gris. Évidemment, quand on pense à Velasquez et à Goya. J'ai bien regardé les Velasquez à mon dernier voyage à Madrid. Entre nous, aujourd'hui, on pourrait faire plus fort que ça. Le peintre qui aurait les rouges de Carolus, le blanc bleuté des nerfs, et comme armature, le dessin de Jean-Paul Laurence. À ce moment arriva Madame Louise Abema, qui, après les politesses d'usage, s'adressant à M. Jacquet, « Je quitte à l'instant votre ami Lobre. Il m'a appris que vous veniez d'avoir d'un des plus riches soyeux de Lyon, M. L., une commande importante. Compliment. » C'est la réplique du tableau qui m'a valu autrefois ma médaille d'or. Croiriez-vous que la maîtresse de mon client trouve que, dans ma peinture actuelle, je sacrifie trop à l'impressionnisme? Et pourtant, c'est une femme intelligente. Oui, repartit Gervex, elle a de la fesse. Bref, continua M. Jacquet, il va falloir que je ressorte tous mes bitumes, toute la sauce que je mettais autrefois sur mes toiles. En l'écoutant, je ne pouvais m'empêcher de penser que Picasso, dans un cas analogue, avait montré plus de scrupules. Un amateur m'avait chargé de lui demander de faire une copie d'un de ses anciens tableaux. On était encore à l'époque où l'artiste ne vendait rien, et le prix offert était important. Picasso, devant l'offre de l'amateur, me regarda tout surpris. « Je n'aurai aucune joie à me recopier. » Et comment pourrais-je peindre sans plaisir ? Le peintre de fleurs, Henri Dumont, m'a raconté l'aventure singulière arrivée à son ami Gervex. Un soir, la femme de chambre était venue annoncer que quelqu'un voulait absolument voir monsieur. « Qu'il revienne demain, » fit le peintre. Mais il se ravisa, pensant que c'était peut-être un Américain. Et il donna l'ordre d'introduire le visiteur dans son atelier où il se rendit. 20 minutes s'étaient écoulées. Madame Gervex, inquiète, entra dans l'atelier. Elle vit son mari acculé dans un angle de la pièce et, devant lui, un individu armé d'un gourdin qui déclarait « Je ne m'en irai pas avant que vous m'ayez appris à dessiner. » Avec sang-froid, Madame Gervex dit à son mari « Pourquoi ne veux-tu pas apprendre à dessiner à monsieur ? » Et, s'adressant à l'inconnu, « En tout cas, monsieur, il faut d'abord vous faire inscrire. Le registre est dans la loge du concierge. » Ils descendirent tous les trois. Madame Gervex avait fait passer devant elle l'individu devenu très doux. Brusquement, il bondit vers la porte cochère et s'enfuit. Dès le lendemain matin, la police ayant été prévenue, un agent faisait bonne garde devant l'immeuble. Vers le soir, comme l'étrange inconnu se présentait de nouveau, l'agent voulut l'appréhender, mais le particulier réussit à s'échapper. On courut derrière lui et on le rejoignit dans un logement où se trouvait une vieille femme qui s'écria « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore fait, monsieur l'agent ?» « Oh, vous savez, mon garçon n'a pas toute sa tête à lui, mais il est inoffensif. Dame, quand on le contrarie, il devient méchant. » Cette caution maternelle ne suffit pas à rassurer Gervex, et le concierge reçut des instructions en conséquence. De sorte que, quelques jours plus tard, Forain, rendant visite à Madame Gervex, s'entendit interpeller « Si monsieur vient pour le dessin, le cours est suspendu jusqu'à nouvel ordre. » J'avais connu le peintre belge Henri de Groux chez Félicien Rops, son compatriote. De Groux venait d'exposer au Salon des Indépendants son étonnant tableau « Des trousseurs de mort après la bataille de Waterloo ». L'homme était infiniment pittoresque. De taille et de corpulence moyenne, avec sa redingote, son feutre à large bord plat, son foulard rouge, ses anneaux d'or aux oreilles, c'était tout à fait un personnage de Balzac. Une seule chose comptait pour lui, peindre. Mais quelles difficultés à surmonter, quelles luttes à soutenir contre les marchands de couleurs, les encadreurs, tous les commerçants en un mot qui sont en rapport avec les artistes. On fournissait à De Groux les couleurs, les toiles, les cadres dont il avait besoin. Mais, en garantie, on s'emparait de ses tableaux. Quand il voulait retravailler à une toile qu'il avait donnée en gage, il devait courir tantôt chez l'encadreur, tantôt chez le marchand de couleurs ou chez le fabricant de châssis. De Groux était d'une naïveté d'enfant. Par exemple, quand il entendait dire « Un tel achète des tableaux !» il allait sur le champ annoncer joyeusement à l'un ou l'autre de ses créanciers gagistes « J'ai trouvé un amateur !» Et l'amateur présumé voyait entrer chez lui De Groux, tout souriant, portant une de ses toiles et suivi du représentant soit de l'encadreur, soit du marchand de couleurs, soit du marchand de châssis. Quand l'affaire ratait, et elle ratait presque toujours, De Groux n'en montrait aucune amertume. Tout au plus dans la rue se retournait-il vers les fenêtres de l'amateur et, prenant à témoin son garde du corps, « Voulez-vous que je vous dise, ce type-là est un vrai salaud. J'aurais été dégoûté de savoir mon tableau chez lui. » Mais les invectives ne nourrissent pas leur homme. Dans ses jours de pénurie, De Groux se rappelait qu'il avait des relations. Il prenait un fiacre et faisait la tournée des amis. Heureux si, la collecte terminée, il pouvait régler le cocher sans avoir à lui laisser en gage sa canne à manche d'argent. À propos de cette canne, je crus bien un jour que le peintre était devenu subitement fou. L'ayant rencontré près du palais royal, je le vis soudain se précipiter sur un passant et lui arracher la canne que celui-ci portait sous le bras. L'homme prit la fuite, poursuivi par De Groux qui lui cinglait le dos et les mollets. Quelques instants après, De Groux revenait tout essoufflé. « Cet animal-là m'avait volé ma canne, mais j'étais sûr que je la retrouverais. » Son optimisme ne l'abandonnait jamais. Se trouvant à Marseille, sans un sou en poche, il s'était arrêté, extasié, devant le portail d'un vieil hôtel. « Vous regardez ma porte, » lui dit tout à coup quelqu'un qui sortait de la maison. « Je suis le propriétaire. Voulez-vous visiter l'hôtel ?» De Groux plut tellement à son hôte que celui-ci le retint plusieurs mois chez lui. Quand ils se quittèrent, un peu là, l'un de l'autre, le peintre s'installa sur un vieux bateau. « Je savais bien, » dit-il, « que tout finirait par s'arranger. » Un matin que j'étais chez lui, à Paris, il voulut me montrer un grand pastel. Il le posa contre une porte. « Faites attention, » m'écriai-je, « si cette porte allait s'ouvrir. »« Pas de danger, elle est condamnée. » Au même instant, la porte s'ouvrit brusquement. Le pastel fut projeté à terre, laissant apercevoir, tout interdite, la fillette de l'artiste. « Oh, quelle chance j'ai !» dit le peintre en relevant son tableau. « Voyez, il n'y a que le verre de cassé. » Le premier jour de mon exposition de Cézanne, je vis entrer un homme barbu, de forte corpulence, qui avait tout à fait l'air d'un gentleman farmer. Sans marchander, mon acheteur prit 3 toiles. Je pensais que j'avais affaire à quelque collectionneur de province. C'était Claude Monet. Je devais le revoir plus tard, lors de ses passages à Paris. Ce qui frappait, chez un peintre aussi célèbre, c'était son extrême simplicité et la fervente admiration qu'il témoignait à son vieux camarade des temps héroïques de l'impressionnisme, à Cézanne, encore si méconnu. D'ailleurs, l'incompréhension du public d'alors s'étendait même aux artistes les plus notoires, et à Monet précisément. Pendant son exposition des Nymphéas, je reçus la visite d'un inconnu. « Monsieur, me dit-il, je viens d'admirer les tableaux exposés chez votre voisin, Monsieur Durand-Ruel. Je n'ai pu le voir. On m'a dit qu'il est en Amérique. Mais vous le connaissez peut-être, ce Monsieur Claude Monet. » « Je le connais, en effet. Cet artiste m'intéresse beaucoup. Voilà pourquoi. Je fournis d'étoffes peintes à la main les plus grandes maisons de couture de New York. C'est vous dire que je suis à la recherche de vrais talents. Il manque bien à ce monsieur Monet certaines petites choses, mais avec mon expérience, il aurait vite fait de se perfectionner. Savez-vous son adresse ? Et voilà. J'eus la faveur d'être reçu chez le peintre des Nymphéas, à Giverny. Je me réjouissais par avance de pouvoir admirer tout un ensemble de tableaux de Monet. Je n'en pus voir que quelques-uns. La maison était grande, mais les murs disparaissaient sous les toiles des camarades de l'artiste. Comme j'observais que, des tableaux d'une qualité si rare, on n'en voyait pas souvent de pareils chez les amateurs les plus réputés. « Et pourtant, me répondit Monet, je ne prends que ce que l'on veut bien me laisser. La plupart des toiles que vous voyez là traînaient à l'étalage des marchands. En quelque sorte, je les ai achetées pour protester contre l'indifférence du public. » Je m'étais arrêté devant le tableau « La famille Monet » par Renoir. Manet voulut un jour peindre ma femme et mes enfants, m'expliqua Monet. Renoir était présent. Il prit lui aussi une toile et traita le même sujet. Le tableau de Renoir terminé, Manet me prenant à part. Monet, vous qui êtes très lié avec Renoir, vous devriez lui conseiller de prendre un autre métier. Vous voyez bien que la peinture, ce n'est pas son affaire. Ce qui frappait, de prime abord, en Pissarro, c'était son air de bonté, de finesse et, en même temps, de sérénité. La sérénité que procure la tâche allègrement faite. Pourtant, quelle existence plus rude que la sienne, du jour où il quitta son île Saint-Thomas pour venir se fixer en France. La famille était nombreuse. Courageusement, Madame Pissarro se mit à labourer un terrain qui entourait la maison et le transforma en un champ de pommes de terre. Vinrent l'année terrible, la commune. Le peintre, chassé de son atelier, l'avait retrouvé détruit quand il put rentrer chez lui. Ses toiles, qui représentaient un labeur considérable, avaient disparu. Mais Pissarro ne céda point au découragement, et les œuvres succédèrent aux œuvres. Devant ces paysages, d'où s'exhale la senteur des champs, devant ces tranquilles paysannes penchées sur leurs choux, devant ces placides gardeuses d'oies, qui se douterait que la plupart de ces toiles furent peintes au temps des pires déboires de l'artiste? En sortant de chez Durand-Ruel, Pissarro s'arrêtait volontiers chez moi. Avec quelle largeur d'esprit ce vieillard jugeait ses jeunes camarades. Il s'intéressait à toutes les recherches qui passionnaient alors les peintres, tant il était curieux de toutes les formes de l'art. Une des dernières fois que je le vis, il me fit admirer une page d'un livre ancien. Il me le détaillait en typographe, mais en typographe d'une époque où la linotypie n'existait pas. Ses fils, tous peintres, avaient de qui tenir. L'aîné, Lucien, devait être attiré par la bibliophilie. Il devint imprimeur, illustrateur, éditeur. Le premier ouvrage sorti de ses presses, « La reine des poissons », me découragea par sa perfection. Mais il devait agir à la manière d'un stimulant pour me faire persévérer dans la voie de l'édition. De tous ceux que l'on a nommés les grands impressionnistes, le moins favorisé fut Sisley, dont les toiles sont aujourd'hui si recherchées. Tous, à certains moments, souffrirent les privations les plus cruelles. Mais le maître de Moret, lui, ne connut jamais même la plus modeste aisance. La première fois que je le vis, ce fut quand j'allais le prier de me faire une lithographie en couleur pour l'album de peintre-graveur que je préparais. Il accepta avec la plus parfaite bonne grâce et me fit une gardeuse d'oie. La fin de Sisley fut affreuse. Il mourut d'un cancer à la gorge. Son mal, il le supportait avec un courage qui faisait l'admiration de tous, et il montra jusqu'au dernier moment un optimisme que rien ne parvenait à entamer. Après sa dernière opération, une de ces interventions que les chirurgiens font, comme on dit, pour la famille, il écrivait à l'un de ses amis « Je souffre encore plus qu'avant, mais je sais que c'est pour guérir. Je vois des papillons roses. » Guillaumin est celui des impressionnistes qui est resté le plus à la traîne du point de vue des prix, s'entend. Car si les toiles de Sisley ont monté après sa mort, celles de Guillaumin connaissent encore cette mévente qui fut le lot de tant d'artistes. Et pourtant, quelles œuvres le peintre de la Creuse nous a laissées! Obligé tout d'abord, pour vivre, d'accepter un emploi administratif, Guillaumin consacrait à la peinture tout le temps dont il pouvait disposer en dehors de ses heures de service. Je le vois devant son chevalet, dans son atelier de la rue Servandoni. Comme je lui disais que je comptais lui amener des acheteurs, « Au moins, fit-il, ce ne sont pas de ces gens qui achètent simplement pour couvrir leurs murs. » J'avais protesté. Son visage s'éclaira. « Alors je les attends. Ce sont déjà des amis. » J'ai mis beaucoup de temps à comprendre Signac. Comme j'avais entendu définir le pointillisme, peinture au petit point, je m'étais imaginé quelque chose qui ressemblait à un ouvrage de dame, et je passais devant les Seurat et les Signac sans m'arrêter. Quand j'eus compris ce qu'était la division du ton, j'appréciai à mon tour la valeur de Signac. Un souvenir à propos du peintre de Saint-Tropez. Je venais de vendre une de ses toiles. Comme l'acheteur s'en allait, en portant son acquisition, je lui marquai mon étonnement qu'il eût acheté un tableau qu'il n'avait regardé que dans le mauvais sens. « Ah ! Voyons ce que ça donne en le retournant. » Et la toile ayant été mise comme il convenait, « Eh bien, c'est curieux, » fit l'amateur. « Comme ça, je l'aime moins. » Une fois de plus, je venais d'expérimenter qu'il faut se garder de faire la leçon au client. Mais au fait, l'acquéreur du Signac n'était-il pas dans le vrai, en trouvant qu'un tableau regardé à l'envers pouvait faire mieux qu'à l'endroit? Un jour, je vis Lewis Brown retourner une chasse à cour qu'il venait de terminer. « C'est, me dit-il, la meilleure façon de juger une peinture, parce qu'ainsi on ne voit plus que les valeurs. » Maximilien Luce, quelle curieuse figure d'artiste et quel brave homme! Encore qu'il ne fit rien pour se mettre en avant, et que, de plus, on sut qu'il professait les plus violentes théories anarchistes, les bourgeois achetaient sa peinture. C'est que, si l'amateur est effarouché par l'homme, il revient toujours quand le peintre l'intéresse. À l'époque où Luce commençait d'être recherché, j'avais de lui à mon étalage un tableau qui représentait une cathédrale. Une dame qui passait s'arrêta devant cette toile et me demanda « Combien ?»« 800 francs. »« 800 francs ? Ce n'est pas un prix de grand peintre, cela. » Et elle s'en alla en disant, assez haut pour que je l'entendisse, à l'ami qui l'accompagnait. « Dommage, il me plaisait bien, ce tableau. Mais si l'on se mettait à acheter des tableaux de n'importe qui ?» Un jour, des camarades de l'artiste se plaignaient devant lui de la difficulté d'arriver. « Nom de Dieu !» s'écria Luce. « On ne peint pas pour arriver, on peint pour son plaisir. » À le voir, avec sa haute taille, sa carrure imposante, son air dominateur, coiffé d'un bonnet de fourrure, une pelisse jetée sur les épaules, suivi d'une petite métisse javanaise revêtue d'oripeaux éclatants, on aurait pris Gauguin pour quelque prince oriental. Voici l'histoire de cette fille de couleur, venue tout droit des îles. Une artiste de l'opéra, Madame Nina Pack, connaissait un riche banquier en relation d'affaires avec des commerçants des îles. Il arriva à la cantatrice de dire devant l'un d'eux « J'aimerais bien avoir une petite négresse. » Quelques mois plus tard, un agent de police amena chez Madame Nina Pack une jeune métisse, mi-indienne, mi-malaise, et qui avait été trouvée errante dans la rue. Elle portait au cou une pancarte avec cette inscription « Madame Nina Pack, rue de la Rochefoucauld à Paris, en voie de Java. » On donna à l'enfant le nom d'Anna. À quelque temps de là, à la suite d'un incident domestique, elle fut renvoyée. Elle vint alors me demander, m'ayant connue chez sa patronne, de lui trouver une autre place. Je jugeai que ses qualités de camériste étant fort médiocres, elle avait plus de chances de réussir comme modèle. J'en parlai à Gauguin. « Envoyez-la moi, je vais l'essayer, » me dit-il. Anna, plutôt peintre, il la garda. Et elle fut la cause de cette bataille mémorable que Gauguin eut à soutenir contre des paysans bretons qui jetaient des pierres à la petite javanaise qu'il considérait comme une sorcière. Redon était très frappé par la diversité des aptitudes de Gauguin. Un jour que des ouvriers avaient réparé un poêle chez lui, Redon, me désignant un morceau de tôle, « Donnez-le à Gauguin, il en fera un bijou. » À voir l'aspect délabré de la maison où l'artiste avait son atelier, on aurait pensé à une grange. Mais dès qu'on pénétrait à l'intérieur, on se serait cru dans un palais. Les toiles dont il avait couvert les murs opéraient ce miracle. Il avait accordé la place d'honneur aux deux peintres qu'il préférait, Cézanne et Van Gogh. Je me souviens particulièrement des trois Van Gogh qui étaient au-dessus de son lit. Au milieu, un paysage dans une note mauve. À droite et à gauche, des tournesols, les mêmes, je crois, que l'on admira tant à la vente de Degas, et, en face, une nature morte de Cézanne, celle-là même qui inspira si fâcheusement Huysmans quand il parla de fruits de guingois dans des poteries saoules. Vers 1898, quand Gauguin, à Tahiti, avait un si pressant besoin d'argent, son ami Chaudet offrit ce même tableau pour 600 francs. Aucun amateur n'en voulut. Enfin, quelqu'un se décida, mais demanda qu'on lui laissât par-dessus le marché le cadre qui était en bois sculpté. Cette toile passa par la suite chez le prince de Wagram. Maintenant, elle fait partie de la collection Pèlerin. Degas plaçait Gauguin très haut. Il lui reprochait seulement d'être allé peindre au bout du monde. « Au Batignolles, disait-il, ne peut-on pas faire d'aussi bonnes peintures qu'à Tahiti ?» Gauguin avait d'abord cru, comme Cézanne, qu'il triompherait de l'indifférence de ses contemporains s'il parvenait à être admis dans les salons officiels. Comme Cézanne aussi, il essuya échec sur échec auprès des jurys. Ce n'est que grâce à un artifice de son ami, le maître céramiste Chapelet, qu'il put, enfin, voir une de ses œuvres au salon. Mais dans quelles conditions ? Chapelet, qui avait cuit dans son four une poterie de Gauguin, la fameuse Oviri, exposa celle-ci dans sa propre vitrine. Mais c'était encore trop pour les officiels que le nom de Gauguin figurât sur la terre cuite. Il ne fallut pas moins que la menace de Chapelet de se retirer lui-même pour que l'Oviri pût être montrée. On devine l'accueil que Gauguin pouvait espérer du conservateur du musée du Luxembourg, M. Bénédite, qui, dans sa conception du devoir professionnel, s'interdisait la moindre faiblesse envers un art qui n'avait pas l'estampille de l'Institut. Deux fois, Gauguin devait être victime des scrupules de M. Bénédite. À un retour de Tahiti, quand il alla lui offrir pour le Luxembourg la plus belle des toiles de son exposition chez Durand-Ruel. Puis, lorsque, appuyé par Degas, il sollicita une commande de peinture à fresque. Cette fois, Bénédicte éclata. « La peinture à fresque, ça demande un mur !» Ce qui, dans la pensée du haut fonctionnaire, signifiait « Un mur, ça ne pourra pas se remiser au grenier comme une simple toile, quand le protecteur de l'artiste aura disparu. » Gauguin devait avoir sa revanche, mais 30 ans seulement après sa mort. À l'occasion de la pose d'une plaque commémorative sur la maison natale de l'artiste, se trouvèrent réunis, en l'honneur du peintre de Tahiti, le conservateur du musée de Fontainebleau, le président du conseil municipal de Paris, M. Maurice Denis, qui représentait l'Académie des Beaux-Arts, et enfin le ministre de l'Éducation nationale, M. de Monzy. Rappelant ce mot d'un critique, que l'art de Gauguin avait eu naguère tout le monde contre lui, les femmes, les amateurs, les musées, M. de Monzy constata qu'aujourd'hui, musées et amateurs s'enorgueillissaient de posséder quelque œuvre de Gauguin, et que les femmes elles-mêmes se sont mises à farder leur visage avec l'ocre dont l'artiste peignait les chairs de ses Tahitiennes. Il est curieux, à propos de cette réhabilitation de Gauguin, de noter la différence des réactions que provoque, en France et dans d'autres pays, une manifestation d'art. Pour l'achat d'un tableau de Manet par le musée de Mannheim, même les ouvriers tinrent à honneur d'apporter leur obole. Chez nous, la position de la plaque commémorative de Gauguin laissa le populaire indifférent. À côté de la maison natale du maître, il y avait un magasin de mode dont les deux vendeuses, sur le pas de la porte, m'avaient semblé suivre la cérémonie avec une certaine curiosité. Je m'approchai juste comme une voisine s'informait de ce qui se passait. Les deux jeunes femmes se regardèrent et l'une d'elles, « On ne sait pas, il paraît que c'est un ministre qui parle. » Peu après, j'écoutais deux paisibles bourgeois. « Qu'est-ce que c'est au juste que ce Gauguin ? T'as pas entendu, c'est un marin. Est-ce qu'ils n'ont pas parlé aussi que c'était un boursier ?» Un incident comique avait marqué le commencement de la cérémonie. Au premier orateur ayant pris la parole, un camelot qui passait, sa charge de bretelles sur l'épaule, s'imaginant que c'était un collègue qui faisait son boniment, s'approcha. Qu'est-ce qu'il leur refile, le frère ? Sur ce, apercevant les agents, c'est lui qui fila, sans demander son reste. J'avais environ 10 ans lorsqu'il m'arriva de voir des chevaux de Degas. Voici dans quelles circonstances. Le conservateur du muséum de la Réunion venait de recevoir de France une caisse contenant un œuf étiqueté œuf d'Épiornis, et qui me parut démesurément gros, encore qu'il ne fût qu'une imitation très réduite d'un œuf pondu par l'oiseau géant des temps préhistoriques. J'étais accouru pour assister à l'ouverture de la caisse. Parmi les papiers qui avaient servi à caler l'objet, j'avisai une page arrachée à une revue illustrée et qui représentait des chevaux au galop. Ce fut un enchantement pour mon imagination d'enfant. Ces chevaux me paraissaient aussi vivants que ceux que j'admirais chaque année à nos courses. Ah, ces courses de la Réunion, auxquelles la population grouillante ajoutait tant d'éclat. Les chevaux couraient dans une vallée sur les pentes de laquelle s'étageait tout le populaire. Chinois, indiens, arabes, nègres, vêtus d'étoffes multicolores, encore plus chatoyantes sous le soleil. J'ai gardé un tel souvenir de ce prestigieux décor que les hippodromes de France m'ont toujours laissé indifférent. Par un singulier hasard, pendant que je faisais mon droit à Montpellier, feuilletant un soir le journal des artistes, je retrouvais ces mêmes dessins de chevaux qui m'avaient jadis tant impressionné à la Réunion. Qui m'aurait dit que, plus tard, j'entrerais en rapport avec le peintre et que je serais même admis dans son intimité? Voici comment cela arriva. De tout temps, la question de l'encadrement des tableaux m'avait préoccupé. J'avais remis à mon encadreur Jacquet quelques échantillons de bois exotiques provenant de l'exposition de 1889 pour en faire des cadres. Quand Jacquet me revit, « Vous savez, me dit-il, que M. Degas aime à mettre autour de ses pastels des cadres de bois naturels. Il a vu ces bois des îles et il m'a chargé de vous demander si vous ne voudriez pas les lui céder. » C'était l'occasion pour moi d'approcher le terrible Degas. Je répondis que je n'accepterais pas d'argent, mais que je serais très heureux de recevoir de lui, en échange, le moindre croquis. Le peintre accepta. C'est ainsi que je pénétrai dans son atelier. « Qu'est-ce que je vous donnerai ? » me dit Degas. « Un dessin de danseuse avec un peu de pastel dessus. » « Oh ! » fis-je imprudemment, « pour quelques bouts de bois ?» Il ne m'entendit que trop bien, car, n'ouvrant même pas le carton qu'il avait d'abord attiré près de lui, il en prit un autre et me donna un petit monotype. Degas venait à ce moment-là de quitter la rue Ballu, où il occupait deux étages d'un petit hôtel pour emménager rue de Laval, appelée depuis rue Victor Massé. Il avait là également deux étages et son atelier. Ce serait à croire que les objets, en déménageant, augmentent de volume. Quoi qu'il en soit, les deux étages furent vite pleins. Tout ce qui n'y avait pas trouvé place fut monté à l'atelier. Aussi voyait-on voisiner les objets les plus disparates. À côté d'une baignoire, un liquage et, dans un coin, une commode dépourvue de tiroirs. Je me rappelle aussi un de ces hauts pupitres, faits pour supporter les antiphonaires et sur lequel le peintre dessinait debout. Ça et là, sur des chevalets, des toiles inachevées. Un objet, une fois entré dans l'atelier, non seulement il n'en sortait plus, mais il ne changeait jamais de place. « J'aime l'ordre », aimait à dire Degas au milieu de ce capharnaüm. Je lui avais apporté un jour un tableau qu'il m'avait demandé à voir. Comme je défaisais le paquet, un petit fragment de papier, pas plus gros qu'un confetti, voltigea et alla se fixer dans une rainure du parquet. Degas se précipita. « Faites attention, Volard, à ne pas mettre du désordre dans l'atelier !» Quand nos relations furent redevenues plus fréquentes, je me risquai à inviter Degas à dîner. « Volontiers, Volard. Seulement, écoutez-moi bien. Il y aura pour moi un plat sans beurre. Pas de fleurs sur la table, très peu de lumière. Vous enfermerez votre chat, je sais, et personne n'amènera de chien. Et s'il y a des femmes, priez-les de ne pas se mettre d'odeur. Des parfums, quand il y a des choses qui sentent si bon. » Le pain grillé, par exemple. Et on se mettra à table à 7h30 précise. Vous savez, monsieur Degas, que si l'on en vient à dîner de plus en plus tard, c'est que les dames cherchent toutes à arriver la dernière pour ne pas manquer leur entrée. Et je hasardai quelques considérations sur les exigences de la mode. Degas me prit le bras. Je vous en prie, Volard, ne dites pas de mal de la mode. Vous êtes-vous jamais demandé ce qui arriverait s'il n'y avait pas la mode? À quoi les femmes passeraient-elles leur temps? De quoi parleraient-elles? Ce que la vie deviendrait impossible pour les hommes. C'est-à-dire que si les femmes voulaient s'affranchir des règles de la mode, il faudrait que le gouvernement y mît bon ordre. La vie de Degas était réglée comme une horloge. C'était l'atelier le matin, l'atelier l'après-midi. Quand ça venait bien, il fredonnait généralement un air ancien. On entendait sur le palier des bouts de chansons. Sans chien et sans houlette, j'aimerais mieux garder 100 moutons dans un pré qu'une fillette dans le cœur à parler. Degas ne le faisait pas à la pose avec ses modèles. « Tu es un cas très rare. Tu as les fesses en forme de poire, » disait-il à une petite qui, au comble de l'orgueil, allait partout montrant son derrière. Eh bien, ces modèles qu'on a accusés Degas de traiter un peu comme de petits animaux, il lui arrivait d'être à leur égard d'une véritable générosité. « On m'a assuré, » lui dis-je un jour, « qu'un de vos anciens modèles, une petite danseuse du Moulin Rouge, possède son portrait fait par vous. » « Oh, ce n'est pas tout à fait un portrait, » fit Degas. « Je l'ai représenté à son réveil. » Mais on ne voit dans l'entrebâillement des rideaux du lit que ses jambes tâtonnant sur un tapis d'Orient à la recherche de ses pantoufles. Je me rappelle même les rouges et les jaunes du tapis. Je revois aussi deux bas verts. Je voulais garder cette toile, mais elle plut tellement à la pauvre fille que, ma foi, je la lui donnai. On m'a dit depuis qu'elle s'était mise à peindre et qu'elle était l'élève de Joseph Baille. Comme je demandais à Degas d'autres détails sur la propriétaire du tableau. Oh, « Je vous vois venir, Volard. Vous voulez le lui acheter, son tableau ?»« Je crois que cela ne vous sera pas facile. Elle y tenait tellement. Et on m'a dit qu'aujourd'hui, elle est tout à fait à son aise. » Degas ne s'était pas trompé sur mes intentions. Mais il s'agissait de retrouver l'ancienne danseuse. Je me mis en campagne et finis par avoir son adresse. Avec cette manie que j'ai toujours eue de garder indéfiniment mes vieux vêtements, le pardessus fatigué que je portais ne plaidait guère en ma faveur. Et, quand j'eus sonné à la porte de l'appartement, la petite bonne qui vint m'ouvrir ne me laissa pas dépasser l'antichambre. Je lui expliquai de mon mieux l'objet de ma visite. Je ne dus pas me faire suffisamment comprendre, car, de l'endroit où j'avais été consignée, je l'entendis dire à sa maîtresse « C'est un homme qui marque mal. Il dit qu'il vient pour les jambes et les bas de madame. Fous-le à la porte, Angèle. » Je ne fis aucune observation quand la camériste vint m'apprendre que madame ne pouvait me recevoir. Mais, de retour chez moi, j'écrivis à l'ancien modèle pour lui expliquer ma démarche. Le lendemain, elle arrivait dans mon magasin. « Ça se vend donc, les Degas ? » dit-elle à brûle-pourpoint. « Mon Dieu, oui. Ah, zut alors ! Est-ce que vous ne l'auriez plus, ce tableau ? » ?»« Comme j'avais à faire une copie d'un petit cuisinier de Joseph Baille, n'ayant pas de toile sous la main, j'ai pris celle-là et j'ai peint dessus. « Vous l'avez toujours, votre petit cuisinier ?» lui demandai-je. « Non, je l'ai vendu. Je ne me rappelle pas à qui, par exemple. Mais je vous ai apporté quelque chose qui vous dédommagera. Seulement, je vous préviens que j'en veux un prix sérieux. » Elle ouvrit son réticule et en tira un petit cahier d'écolier. Un cahier de modèle d'écriture dont les marges étaient remplies de griffonnage où l'on finissait par distinguer des silhouettes de soldats et de chevaux. C'est un cahier de dessin de deux tailles. Vous connaissez ? Il me l'a donné lui-même en me disant. J'avais 9 ans lorsque j'ai fait ces dessins. Ce cahier-là, je le gardais comme la prunelle de mes yeux. Je l'ai refusé à une cousine du tsar. Et mes amis m'avaient fait promettre que je le léguerais au Louvre. Comme tu as été gentille avec moi, je t'en fais cadeau. Quand j'eus appris à l'ancienne amie de Detaille que son Degas aurait valu très cher et que son Detaille ne valait plus rien, ça ne m'étonne pas, c'est toujours la poisse avec les artistes. Celui-là qui ne vous prévient même pas que son tableau vaudra un jour de l'argent, et l'autre pour qui j'ai été si poire. Quand je revis Degas, je m'abstins de lui révéler que son tableau courait maintenant le monde sous les espèces d'un petit cuisinier, genre Joseph Baille. À une de mes visites, je trouvai le peintre en train de travailler à un de ses pastels, ces merveilles de couleurs que l'on a comparées aux ailes diaprées des papillons. Comme j'en parlais devant le peintre Latouche, « Vous ne pourriez pas, me demanda celui-ci. « Tâchez de savoir de Degas où il achète les pastels avec lesquels il obtient ces tons si extraordinaires. » Quand je revis Degas, il avait précisément à la main des pastels qu'il rangeait sur une planche devant la fenêtre. « Je fais passer, me dit-il, le plus possible la couleur en les mettant au soleil. » « Mais avec quoi alors arrivez-vous à ces tons d'un tel éclat ?»« Avec le ton mort, monsieur. » Un jour que j'étais allé chez Degas avec le peintre Duval, nous trouvâmes le grand artiste de fort mauvaise humeur. Une vente venait d'avoir lieu au cours de laquelle une enchère sensationnelle avait été portée sur une de ses œuvres. Et dire, monsieur Degas, que c'est peut-être pour quelques centaines de francs que vous avez vendu autrefois ce chef-d'œuvre, dis-je innocemment. Pourquoi chef-d'œuvre ? Fit Degas brusquement, se tournant vers le peintre Duval. « Si vous saviez comme je regrette ce temps-là. J'étais peut-être déjà le cheval de course sur lequel on misait, mais du moins je ne le savais pas. Et si mes articles se mettent à se vendre à des prix pareils, qu'est-ce que ça va être pour Ingres ?» Monsieur Duval regardait une toile d'Ingres, placée sur un chevalet, le portrait de Monsieur de Pastoret. « J'ai demandé à Arrault, expliqua Degas, qu'il m'envoya pour quelques jours en communication ce tableau avant de me décider. Mais déjà, j'étais bien sûr qu'une fois entré ici, il n'en sortirait plus. « Vous avez connu Ingres, monsieur Degas ?» demanda Duval. « Je l'ai approché trois fois. Voici dans quelles circonstances. » J'arrivais un jour chez un ancien ami de ma famille, M. Valpinson, qui possédait un des plus célèbres tableaux d'Ingres, une baigneuse, aujourd'hui au Louvre. « Devine qui sort d'ici, » me dit-il. « Ton Dieu, M. Ingres, il est venu me demander ma baigneuse pour la salle qui lui a été réservée à l'Exposition universelle, 1855. Bien entendu, je n'y ai pas consenti. Le local qu'on a donné à M. Ingres consiste en un mauvais bâtiment en planche. J'aurais trop peur pour mon tableau. « Voyons, c'est impossible que vous refusiez quelque chose à Ingres, » dis-je à Valpinson. Et je fis si bien qu'il finit par me dire « Tu as raison, nous irons demain prévenir Ingres qu'il peut compter sur le tableau. » Le lendemain, en effet, la voiture de Valpinson nous conduit quai Voltaire à l'atelier d'Ingres. L'on y accédait par un petit escalier. Une porte à même les marches. Valpinson frappe et le monstre paraît. « C'est à ce jeune homme, dit Valpinson en me désignant, que je dois d'avoir compris que je ne pouvais rien vous refuser. Excusez un premier mouvement, je tiens la baigneuse à votre disposition. » Tout en parlant, nous avions traversé une sorte de cabinet d'attente et on était entrés dans l'atelier. Ingres remerciait Valpinson en s'inclinant très bas, la main sur la poitrine. Tout à coup, nous le voyons chanceler. Je me précipite, les bras en avant, mais sans pouvoir le retenir. Il s'abat. Ingres était évanoui. Il était très pâle et avait un peu de sang au front, s'étant blessé en tombant. Dans l'entrée, j'avais aperçu une fontaine et je lui humecte les tempes. Peu à peu, il revient à lui. Alors, le laissant avec Valpinson, je dégringole l'escalier, préviens le concierge en passant et je prends ma course jusque chez Madame Ingres, rue de Lille, numéro 4. Ce que c'est, je ne pensais même pas, tant j'étais troublée, à prendre la voiture de Valpinson qui attendait à la porte. Je demande Madame Ingres, je lui annonce doucement l'accident. Elle met rapidement un chapeau. Je lui offre mon bras. Nous descendons, nous nous hâtons vers l'atelier. Au moment où nous arrivions quai Voltaire, Ingres était au bas de l'escalier, soutenu par Valpinson et le concierge. Ingres et sa femme montent dans la voiture de Valpinson qui les reconduit. Voilà pour la première rencontre. Après l'exposition, je reçus un mot de Valpinson, alors en voyage, qui me chargeait de veiller au retour de la baigneuse. Le lendemain, j'allai chez Ingres. Je frappe, il m'ouvre lui-même. Je lui donne la lettre que Valpinson m'avait adressée pour lui et qui lui exposait le but de ma visite. Il venait précisément de renvoyer la baigneuse. Je remarquai dans l'atelier une tête de Jupiter sur laquelle j'eus la chance de pouvoir mettre la main plus tard, et un Homère soutenu par un pâtre et fuyant devant l'orage. Dans le fond du tableau, il y avait un éclair. Un éclair par Ingres. Vous voyez ça d'ici. Marmant de courage, je dis à Ingres. Monsieur, pardonnez-moi de saisir cette occasion qui ne se représentera peut-être jamais. Je voudrais moi aussi être peintre. Je suis fou d'art, etc., etc. Alors, avec indulgence, Ingres me dit. Faites des copies, jeune homme, beaucoup de copies. Ce n'est qu'en copiant les maîtres que vous pourrez devenir un bon artiste. À quelque temps de là, Ingres fit une exposition dans son atelier. J'y allais sans toutefois me faire reconnaître. Un monsieur très répandu dans le monde des arts avait accaparé le peintre et celui-ci s'inclinait gravement à chaque compliment. Devant le portrait de Madame Moitessier, le monsieur disait « Junon, beau comme l'antique et si moderne !» Devant un Homère, « L'antiquité, le pays des muses, votre domaine !» Devant le bain turc, « Ah, ah les délices, la splendeur de la chair, la volupté même !» Alors, Ingres, la main sur la poitrine, « Monsieur, j'ai plusieurs pinceaux. » Je n'ai plus jamais revu Ingres. En entendant Degas nous raconter comment Ingres était tombé évanoui dans ses bras, je pensais à part moi. Quel beau sujet de tableau pour un concours de prix de Rome. Ingres dans les bras de Degas. Deux générations qui se rejoignaient. Une époque dont Ingres était le dernier représentant et un art de tendance nouvelle qui apparaissait. Que de fois Mary Cassatt, à l'époque de mes débuts, m'a providentiellement tiré d'embarras. Avez-vous un tableau pour les Havemeyer? C'est avec une sorte de frénésie que la généreuse Mary Cassatt travaillait au succès de ses camarades. Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Sisley. Mais quelle indifférence dès qu'il s'agissait de sa propre peinture! Quelle répugnance à pousser, comme on dit, son œuvre dans le monde. Dans une exposition d'impressionnistes où Mary Cassatt prenait véhémentement parti pour ses camarades, « Mais, dit quelqu'un, s'adressant à Mary Cassatt sans savoir à qui il parlait, « Parmi ceux que vous citez, vous oubliez un peintre que Degas place très haut ?»« Qui donc ? » fit-elle tout étonnée. « C'est Mary Cassatt !» Sans fausse modestie, très naturellement, elle eut cette exclamation. « Ah bah ! Ça doit être une femme peintre, elle est jalouse !» murmura l'autre en s'en allant. Mary Cassatt possédait dans l'Oise, à Ménil-Beaufresne, une propriété où elle passait l'été. C'est là qu'elle mourut en 1926. Le village entier suivit le convoi funèbre. Seule la vieille Mathilde, sa femme de chambre si dévouée, et quelques intimes connaissaient toute l'étendue de sa générosité. Car Mary Cassatt accompagnait ses actes de bienfaisance d'un geste sec et presque distant, comme si elle éprouvait une pudeur à faire le bien. Au cimetière, après les dernières prières, le pasteur, selon la coutume protestante, distribua aux assistants, pour les jeter sur la tombe, les roses et les œillets détachés des couronnes. Je me représentais Mary Cassatt devant ce tapis de fleurs, courant chercher une toile et des pinceaux. Thank you.